Bonjour guest. Nous souhaitons la bienvenue au guest. Bah, il faut en prendre un peu. Il faut se reposer un peu. Thank you.